إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit بإذن الله وبعون الله عز وجل l'explication du livre intitulé Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'i al-husna du Cheikh Al-Allama Muhammad Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. On est toujours dans la première partie du livre qui concerne les noms d'Allah, Asma'ullah. On avait vu donc que le livre va se diviser en deux grandes parties. La première partie qui est réservée au nom d'Allah Azzawajal et donc ses règles, parce qu'on est bien ici dans les règles des noms et des attributs d'Allah Azzawajal. Et ensuite, la deuxième partie qui est consacrée aux attributs d'Allah Azzawajal. Sachant qu'aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, on va terminer ce qui est en rapport avec les règles concernant les noms d'Allah Azzawajal. Et la dernière fois, le dernier cours, le cours précédent, on a vu la sixième règle, et qui était la suivante. القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. C'est-à-dire que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas restreints à un nombre bien précis. Et on a vu les preuves de cela. Et on a également vu le hadith où il était cité 99 noms d'Allah Azza wa Jal, qui était en réalité une version du hadith Inna lillahi tis'atan wa tis'in isman. Et on a vu que c'était donc un hadith qui n'était pas authentique par rapport à cette version où se rajoute précisément hadith l'idafa, qui n'était pas authentique du fait qu'elle n'était pas attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que c'était en réalité ce qu'on appelle ici Idraj, c'est-à-dire donc que c'est un des rapporteurs du hadith qui a rajouté la citation des 99 noms. Ça, on l'a expliqué, on l'a détaillé, comme le Cheikh donc l'a fait dans son livre. Ensuite, on avait dit le dernier cours qu'on verrait qu'est-ce que voulait dire ce terme qui est employé dans le hadith, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est donc la dernière partie, la dernière phrase du hadith, من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة. Cette phrase, on l'avait déjà expliquée lorsqu'on avait fait l'explication du livre أعلم السنة. Il y avait une question qui était revenue à ce propos, c'est-à-dire sur le tafsir de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on se rappelle que le shir Hafir rahimahullah ta'ala avait détaillé, il nous avait donné de manière complète ce que voulait dire cette parole et comment on l'appliquait dans la vie de tous les jours. Sachant qu'elle était expliquée de plusieurs manières, et toutes sont acceptables et rentrent donc dans cette phrase « Man ahsaha dakhal al-jannah ». Parmi les savants, ce qu'ils ont dit « Hifdhuha », c'est-à-dire donc apprendre par cœur 99 noms. Savoir donc par cœur 99 noms parmi les noms d'Allah Azzawajal. Dua Allah biha. Et également un deuxième point, c'est-à-dire invoquer de par ces noms Allah Azzawajal. Et on avait vu également ici qu'il y a un adab à avoir, c'est-à-dire donc que suivant les circonstances, suivant ce que l'on va demander à Allah Azzawajal, en conséquence de cela, on va employer donc le nom qui convient à ce que l'on demande ou qui va dans ce sens. Comme la personne, à titre d'exemple, qui va demander à Allah Azzawajal le pardon, donc il va l'appeler par ses noms et il va l'invoquer par ses noms, Ya Rafour, Ya Rahman, etc. Également, Al-Thana'u alayhi, bijami'iha. C'est-à-dire donc, Al-Thana' qui est l'éloge d'Allah Azzawajal, de partout ses noms. Tous les noms donc, ou ces noms que l'on aura appris. Et également, Al-Amal, bima yaqtadi. C'est-à-dire, ou bima taqtadi al-asma. C'est-à-dire donc, appliquer ce que impliquent ces noms. Et là, on va détailler, comme l'avait fait Cheikh Hafid dans son livre Alam Sunna, il nous avait rappelé, le Cheikh Rahimullah, qu'il y a parmi les noms d'Allah Azzawajal des noms dont on peut suivre ce qu'ils indiquent, leur signification. Et donc on peut s'y conformer, bien entendu, dans ce qui est propre à nous en tant qu'être humain. Et à titre d'exemple, Ar-Rahim, le nom d'Allah Azzawajal, Ar-Rahim, c'est-à-dire très miséricordieux. Donc le fait d'avoir de la clémence envers les gens. Donc ici, ce nom dont le sens peut être applicable par l'homme, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il est le très miséricordieux, donc il a une miséricorde. Miséricorde qui est dans le, bien entendu, le droit d'Allah Azzawajal, qui est parfaite, qui est loin de toute imperfection. Taïb. Par contre, pour ce qui est du droit des hommes, comme on l'a déjà expliqué, ce qu'on a déjà vu, c'est ça fait partie de l'imperfection. Et il n'y a pas donc de comparaison à faire entre les deux. Mais dans le sens que ce nom comprend et l'attribut qu'il contient ici, et qui est Ar-Rahma, qui est donc la clémence, la personne donc, en sa capacité, et suivant ce qui est propre à sa nature, elle va essayer donc d'appliquer cela, ce qu'indique ce nom, c'est-à-dire ici la clémence, donc être clément envers son épouse, envers ses enfants, envers ses proches, envers ses parents, envers les musulmans de façon générale. Également le nom d'Allah Azzawajal, Al-Karim. Al-Karim, c'est-à-dire le très généreux. Donc ici le sens de la générosité. Donc pour ce qui est de l'homme, être généreux, savoir être généreux envers ses proches, envers les musulmans de façon générale. Donc c'est dans ce sens ici qu'on va appliquer ces noms qui, de par leur indication, il nous est permis de s'y conformer, comme on l'a donc expliqué. Ça c'est pour, on pourrait dire, la première catégorie. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, ce sont des noms qui sont propres à Allah Azzawajal uniquement. Des noms qui sont propres à Allah Azzawajal uniquement. C'est-à-dire que on ne peut se qualifier de par ces noms. Et si nous on se qualifie de par ces noms, ou alors de par les adjectifs ou ce qu'ils contiennent comme sens, dans notre cas donc ce sera une imperfection pure. Alors que dans le droit d'Allah Azzawajal, c'est la perfection pure. À titre d'exemple, comme le nom d'Allah Azzawajal, Al-Jabbar, c'est-à-dire le contraignant. Également Al-Azim, le magnifique, l'immense. Également Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Pour ce qui est de ces noms, on va ici appliquer trois choses. La première chose, c'est Al-Iqrar biha. On va reconnaître, on va attester ces noms-là, qu'ils sont bel et bien les noms d'Allah Azzawajal. Le deuxième point, Al-Khudu'u laha. C'est-à-dire qu'on va s'y soumettre. On va s'y soumettre pleinement. à ses noms, à ce qu'ils contiennent. On sait qu'Allah Azzawajal est le Jabbar, celui qui contraint. On sait qu'Allah Azzawajal est le Ravim. On sait qu'il est le Mutakabbir, l'orgueilleux, Subhana. Donc on se soumet à ses noms. Également, et ça c'est le dernier point, le troisième, donc on n'a pas le droit donc de s'attribuer l'une de ses caractéristiques. Contrairement donc à ce qui a précédé, dans la première catégorie. Donc on n'a pas le droit de s'attribuer cette caractéristique qui est at-takabbur, l'orgueil, qui est donc interdit dans le droit des humains. Par contre, pour le droit d'Allah Azzawajal, ça fait partie de ce qui est de la perfection, subhanahu wa ta'ala. De même pour ce qui est al-jabbar, de même pour ce qui est du nom al-azim, etc. Donc dans ce sens, on ne peut s'attribuer une de ces caractéristiques, contrairement à ce qu'on avait vu auparavant. C'est-à-dire dans le sens de ce qu'ils comprennent ces noms comme notion. Ça c'est pour la deuxième catégorie. Donc des noms qui sont exclusifs à Allah Azzawajal. Alors qu'on a vu auparavant, comme Al-Karim, et qui contient donc l'attribut de Al-Karam, la générosité, on a vu que l'homme, il doit être généreux, et il doit s'efforcer donc à être généreux. Et ça, ici, c'est donc à se conformer à la notion que comprend ce nom d'Allah Azzawajal. Par contre, le deuxième, il est strictement interdit à l'homme, Yahrum Ali. Il est strictement interdit à l'homme donc de se qualifier et d'essayer donc d'obtenir ses caractéristiques ou alors de s'y conformer. Ayadam Billah. Ensuite, pour ce qui est de la troisième catégorie, nous avons rappelé le shir, ma kana fi ma'na al-wa'd. Ma kana fi ma'na al-wa'd. C'est-à-dire que certains noms, ils comprennent, ils ont la notion de ce qu'on appelle al-wa'd. Al-wa'd qui est la promesse, qui est la bonne annonce, qui va contenir donc la bonne annonce. Les exemples qu'il va nous donner, qu'il nous avait donné le shir, il y en avait plusieurs. Comme par exemple Al-Rafour, Al-Shakur, Al-Raouf, Al-Halim, Al-Jawad, etc. Donc tous ces noms, comme le pardonnant, le reconnaissant, l'indulgent, le très bienveillant, le très clément, le généreux, le noble. Par rapport à ces noms-là, ceux qui vont donc contenir, on voit qu'ils contiennent bien une promesse. Lorsqu'on entend le nom d'Allah Azzawajal, Al-Ghafour, celui donc qui pardonne, c'est une promesse. C'est une bonne annonce qui est faite lorsqu'on entend ce nom-là. De même pour ce qui est Al-Shakur, celui qui est reconnaissant. De même pour ce qui est Al-Ra'ouf. De même pour ce qui est Al-Jawad, celui donc qui est généreux par rapport à ses créatures. Donc, quelle va être la position du musulman par rapport à ces noms? C'est lorsqu'il les entend, yatma wa yarghab, c'est-à-dire donc qu'il a un désir, qu'il a une envie, qu'il a l'espoir de ce que contiennent ces noms. L'espoir, l'envie, le désir qu'Allah Azzawajal lui pardonne. L'espoir, l'envie, le désir qu'Allah Azzawajal soit généreux envers lui. L'espoir qu'il soit indulgent, etc. Ça donc c'est la position du musulman par rapport à ces noms d'Allah Azzawajal. Et donc dans ce sens, il va bien avoir ici un acte du cœur, premièrement, qui va donc s'accomplir chez l'homme, qui va s'activer chez l'homme. Donc on est bien ici, l'amal, bima taqtadi hadhihi al-asma, c'est-à-dire donc l'acte de ce que impliquent ces noms. Pour ce qui est de la quatrième catégorie, ma kana fihi ma'na al-wa'id, ça, ici, c'est dans l'autre sens, à l'opposé. Ma kana fihi ma'na al-wa'id, c'est-à-dire des noms qui vont comprendre la notion de ce qu'on pourrait traduire par la menace, al-wa'id, la menace, comme nous l'a rappelé le shir, les noms qu'il nous a donné, azizun zuntiqam, shadidul iqab, etc. C'est-à-dire donc le détenteur du pouvoir de punir, le sévère en la punition, etc. Quelle va être ici la position du musulman par rapport à ces noms lorsqu'il les entend? C'est tout simplement dans son cœur la peur et la crainte qui doivent advenir. La peur révérentielle, la crainte d'Allah Azzawajal lorsqu'il entend ces noms. Car on sait que ces noms, ils comprennent ici la menace. Donc, lorsqu'il entend ces noms, il a peur et donc il va s'écarter des péchés. Ça rentre dans Fimarna, Men Ahsaha. Ça rentre, tout ce qu'on dit, ça rentre la signification de cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Men Ahsaha, Dakhala al-Jannah. Et par rapport à la catégorie précédente, Al-Wa'd, bien au contraire, lorsque l'homme il entend qu'Allah Azzawajal il pardonne, lorsque l'homme il entend qu'Allah Azzawajal il accepte Tawab, il accepte la Tawba, il revient à ses serviteurs lorsqu'ils font le repentir, alors il s'active dans les bonnes actions, il s'active dans la Tawba. Donc on voit ici que c'est en réalité bel et bien des actes qui sont par moments imprégnés de désir, d'envie, d'espoir, et d'autres moments, suivant bien entendu la catégorie des noms, imprégnés de peur, de crainte révérentielle. Est-ce que, donc ça c'est ce qui intervient dans le cœur, l'acte qui intervient dans le cœur, et ensuite donc, automatiquement, ce qui va ensuite déteindre sur les membres, c'est-à-dire dans les actes des membres. Ensuite, le shir, rahimahullah, Cheikh Mohamed Al-Uthaymin, dans son livre, donc, Al-Qawa'id Al-Muthla, il a cité, donc, lui, de par son ijtihad, il a cité, rassemblé, donc, 99 noms. On sait donc qu'il y en a plusieurs, plus que ces noms-là. Et beaucoup de savants avant lui, avant le Cheikh Rahimallah, ont fait cet effort de rassembler, d'après ce qui leur a, donc, paru, en suivant les An-Nusus, c'est-à-dire le livre d'Allah et la sunna du prophète, la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont fait la même chose que les shirks. Et parmi eux, l'imam Ahmed, rahimullah, l'imam Soufiane, Thawri, et également ensuite, et plus tard, le Mutaakhirin, Ibn Hajar, etc. Donc tous ont tenté de rapporter 99 noms. Et donc il est bien pour le talib al-ilm, il est bien pour l'étudiant en religion qu'il fasse le même effort, c'est-à-dire que, afin qu'il se raccroche au nom d'Allah Azzawajal, qu'il se raccroche également donc à la, au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire cet effort d'interprétation, c'est-à-dire d'essayer de rassembler 99 noms. Et on va citer parmi les noms que le shir lui-même, rahimallah, il a rassemblés, et qui les a donc cités dans son livre. Il y en a exactement 81 parmi le livre d'Allah Azzawajal, et ensuite 18 qui ont été pris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce qui est bien entendu, on cite pour chaque nom une traduction, notre traduction bien entendu, qui est approximative. Donc parmi les noms qu'il a cités, Allah, qui est bien entendu le nom propre par excellence d'Allah Azzawajal, Al-Ahad, l'unique, Al-A'la, le plus haut, Al-Akram, le plus généreux, Al-Ilah, c'est-à-dire donc le Dieu, la divinité, celui qui est donc adoré, Al-Awwal, le premier, Al-Akhir, le dernier, Al-Zahir, l'apparent, Al-Batin, le caché, Al-Bari, le créateur, celui donc qui donne forme à ce qu'il a conçu et déterminé, Al-Bar, le bienfaisant, Al-Basir, le voyant, At-Tawwab, celui donc qui pardonne, qui accepte sans cesse le repentir de ses esclaves, Al-Jabbar, l'imposant, Al-Hafir, le bienveillant, donc celui qui veille sur ses créations, et également sur les actes des êtres, Al-Hasib, celui qui compte, Al-Hafir, celui qui est bienveillant, le très bienveillant, Al-Hafi, le très renseigné, celui qui se renseigne, qui est renseigné, qui connaît, Al-Haq, le vrai, Al-Mubin, l'évident, Al-Hakim, le très sage, Al-Halim, le très doux, Al-Hamid, le très loué, Al-Hay, le vivant, Al-Qayyum, le subsistant, donc celui qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste, Al-Khabir, très bien informé, le très bien informé, Al-Khabir, Al-Khaliq, le créateur, Al-Khallaq, l'infini créateur, qui ne cesse de créer, subhanallah. Al-Ra'ouf, le clément. Al-Rahman, l'infini miséricordieux, le tout miséricordieux. Al-Rahim, le très miséricordieux. Al-Razzaq, le pourvoyeur. Al-Raqib, l'observateur. Al-Salam, le pacifique. Al-Sami', le très intendant. celui qui entend, Ash-Shakir, celui qui est reconnaissant, Ash-Shakur, celui qui est très reconnaissant, Ash-Shahid, le témoin, As-Samad, la nécessité, celui dont on a besoin, Al-Alim, le savant, Al-Aziz, le puissant, Al-Azim, l'immense, Al-Rafou, l'indulgent, Al-Alim, le très savant, Al-Ali, le très haut, Al-Ghaffar, l'infident, l'infini pardonnant, Al-Ghaffar, le pardonnant, celui qui pardonne, le pardonneur, Al-Ghafour, celui qui est très pardonneur, Al-Ghani, le très riche, Al-Fattah, le juge, l'illustre juge, Al-Qadir, le puissant, Al-Qahir, le dominateur, Al-Quddus, le très sanctifié, Al-Qadir, le très puissant, Al-Qarib, très proche, Al-Qawi, le fort, Al-Qahar, celui qui domine, Al-Kabir, le grand, le très grand, Al-Karim, le très généreux, Al-Latif, le subtil, celui qui est doux, Al-Mu'min, le confiant ou l'apaisant, Al-Muta'ali, le sublime, Al-Mutakabbir, l'orgueilleux, le magnifique, Al-Matin, le très ferme, Al-Mujib, celui qui exauce, Al-Majid, le très glorieux, Al-Muhib, celui dont la science embrasse toute chose et le pouvoir embrasse toute chose, celui qui embrasse donc toute chose, Al-Musawwir, le façonneur, Al-Muqtadir, le tout-puissant, Al-Muqit, le très puissant, Al-Malik, le maître, Al-Malik, le maître, le possesseur, Al-Mawla, le protecteur, Al-Muhaymin, le dominateur suprême, Al-Nasir, celui qui défend, Al-Wahid, celui qui est unique, Al-Warif, l'héritier, Al-Wasi', celui qui entre, Al-Wadud, l'affectueux, Al-Wakil, le très confiant, Al-Wali, l'ami, ou le maître, ou l'allié, Al-Wahhab, celui qui donne, Al-Wahhab, celui qui donne, le donateur. Ça, c'est pour ce qui est de, des noms d'Allah Azzawajal tirés du Coran, que le shir donc a tiré du Coran. Il faut savoir que pour un parmi eux, il a dit que ce nom, il était rapporté de façon restreinte, muqayyadan, fi qawli ta'ala an Ibrahim, innahu kana bi hafiyan, donc c'est al-hafi. Donc il l'a cité le shir, il l'a pris, et en itarad dada, le shir comme s'il a hésité à, c'est-à-dire à le compter parmi les noms qui figurent dans le livre d'Allah Azzawajal. Pourquoi? Parce qu'il est en réalité ici rappelé de manière ou cité de manière restreinte par rapport à Ibrahim, par rapport donc à Ibrahim, et pas par rapport à toutes les autres créatures. Inna ukan nabi hafiyan. Donc c'est dans ce sens qu'il est restreint, et c'est pour ça que le cheikh il a hésité. À la kulli hal, il l'a cité. On a dit c'est un ijtihad, c'est un ijtihad. Également, parmi les noms qui vont être pris de la sunna, se peut qu'un nom soit pris d'un hadith où il y a une divergence dans son authenticité, etc. À la kulli hal, ça reste un ijtihad. Ensuite, donc les noms que lui, le shir, rahimallah, il a tiré de la sunna, il y en a donc 18, comme on a dit, pour compléter le 71, qui feront donc le compte 99. Il dit, rahimallah, al-jamil, le très beau, al-jawad, celui qui est généreux, qui donne, le donateur, al-hakam, le juge équitable, al-hay, le vivant, al-rab, le seigneur, al-rafiq, celui qui accompagne, al-subbuh, celui qui est sanctifié, al-sayyid, al-sayyid, le maître, al-sayyid, le maître, al-shafi, le guérisseur, al-tayyib, l'infiniment bon, al-qabid, celui qui empoigne, al-basit, l'étendu, al-muqaddim, celui donc qui est au début, al-muakhir, celui qui est à la fin, al-muhsin, le bienfaiteur, al-mu'ti, le donateur, al-mannan, l'excellent donateur, al-witr, l'impair. Entendu, pour tous ces noms, pour des explications, pour bien les comprendre, c'est-à-dire savoir réellement leur sens, ça prenait du temps pour chaque nom. À la kulli hal, peut-être que, inshallah, si on a le temps, si on voit cela, peut-être qu'on reviendra donc aux explications de ces noms et de ce qu'on peut en tirer, inshallah ta'ala. Ensuite, pour finir, avec les règles qui concernent les noms d'Allah Azzawajal, on va donc expliquer cette septième et dernière règle, et qui est la septième, et où le shir, il va nous rappeler, rahimahullah, et il dit, al-qa'idatu as-sabi'a, la septième règle, al-ilhad fi asma'illah ta'ala, wal-mail biha amma yajibu fiha, wa huwa anwa'. Donc ça, c'est la septième règle. Une règle également qu'on a vue lorsqu'on a étudié le livre du shir Al-Hakami, rahimahullah ta'ala. Il nous avait donc, lorsqu'il avait parlé de ce qui allait à l'encontre des noms d'Allah Azzawajal, il nous avait donc fait part de ce que les savants ont tiré du Coran et de la Sunna, et qu'ils ont ensuite donc éclairci pour que les musulmans, ils comprennent réellement ce que cette règle implique et pourquoi elle va à l'encontre des noms d'Allah Azzawajal. Le premier terme donc qui vient et qui est le plus important à comprendre, ce terme-là, c'est Al-Ilhad. Al-Ilhad. Ce nom, il a une signification, un sens par rapport à la langue arabe. Et on sait qu'à chaque fois qu'il y a un terme spécifique à employer de manière conventionnelle dans la religion, et qui devient donc un terme technique, religieux, toujours on revient pour bien comprendre pourquoi il est employé à son sens premier, c'est-à-dire son sens linguistique, son sens qu'il a réellement dans la langue arabe. Naam, ce terme en réalité vient de Al-Lahd. Qu'est-ce que veut dire ce terme? On avait vu que, pour ce qui était de la tombe, qu'il y avait deux façons de creuser une tombe et d'enterrer le mort, ce qu'on appelle le shaq et ce qu'on appelle l'ahd. On l'avait expliqué ça dans les cours de la tombe. Et l'ahd, c'est en réalité une déviation, c'est-à-dire qu'on va dévier. Au moment où on va creuser, on va ensuite dévier par rapport à la perpendiculaire, et donc ici on va bien avoir une déviation, c'est ce qu'on appelle l'ahd. Ici, al-ilhad fi asma'illahi ta'ala, c'est bel et bien une déviation. C'est bel et bien donc une déviation, c'est-à-dire des gens qui ont dévié de ce qui était obligatoire dans le droit d'Allah Azzawajal par rapport à ses noms. Et donc ilhad, qu'on peut le traduire par la déviation, qu'on peut traduire par la profanation, que l'on peut traduire également par l'hétérodoxie, à la kullihal. Al-muhim pour nous, c'est de comprendre ce que veut dire ce terme al-ilhad, enregistré en langue arabe. Al-ilhad. Il nous dit le shir donc, wal-mail biha amma yajibu fiha. C'est donc s'écarter de ce qui est obligatoire dans le droit d'Allah Azzawajal par rapport à ses noms. C'est-à-dire donc dans les noms d'Allah Azzawajal. Donc s'écarter des impératifs qu'il renferme ces noms. C'est ce que veut dire le terme al-ilhad. Et on va mieux comprendre lorsqu'on va voir les différentes catégories. Les quatre catégories que le shir nous a citées, rahimahullah. C'est pour ça qu'il nous a dit, donc, ensuite il nous a dit, wawa anwa, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories, plusieurs sortes. Elles prennent, al-ilhad, il prend plusieurs formes. Il nous dit, l'awwal, an yunkira shay'an minha ou mimma dallat alayhi min as-sifat wa al-ahkam, كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات من الأحكام والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. Donc le shir nous dit, la première catégorie, c'est de nier une partie des noms, أن ينكر شيئا منها. Comme l'ont fait beaucoup de sectes, comme l'ont fait le Jahmiya, qui ont même, eux, renié tous les noms d'Allah Azzawajal. Ils sont tombés dans l'ilhad, et qui est ici du kufr, ayadan billah, du kufr pur, ayadan billah, le fait de renier donc les noms d'Allah Azzawajal. Ou alors qu'ils vont renier une partie des noms, donc que ce soit partie des noms, que ce soit les noms d'Allah Azzawajal, cela rentre donc dans al-ilhad, et ça c'est une de ces catégories, une de ces formes. Aw mimma dallat alayhi min as-sifat wal ahkam, également ceux qui ont attesté les noms, mais qu'ils ont renié ce qu'ils indiquaient comme attribut. Et on avait vu dans les cours précédents que le nom d'Allah Azzawajal, il indique, suivant qu'il soit bien entendu laziman ou mutaaddiyan, c'est-à-dire transitif ou intransitif, intransitif ou transitif, ça on l'avait déjà expliqué dans les cours précédents, il va indiquer donc plusieurs choses. Que ce soit donc as-sifat, que ce soit as-sifat, donc l'attribut qu'il va contenir, l'attribut qu'il va contenir, ça, que ce soit pour les noms, les attributs dits lazim ou mutaaddi, intransitif ou transitif. Wal-ahkam, et donc al-ahkam qu'on avait également expliqué, qu'on a vu détaillé dans les cours précédents. Donc ce qu'ils comprennent comme loi. Et ça, bien entendu, c'est pour ce qui est des noms qui rentrent dans la deuxième catégorie, qui sont dits mutaaddi, c'est-à-dire transitifs. Al-ahkam. Donc ils vont eux nier maintenant ce qu'indiquent les noms d'Allah Azzawajal. Donc le fait de nier cela, on va rentrer également dans l'ilhad. Donc on voit que c'est que ça a une acceptation au niveau de la religion qui est très globale. Le fait donc de renier le nom d'Allah ou un des noms d'Allah ou des noms d'Allah, le fait de renier ce qu'ils comprennent, que ce soit des attributs ou que ce soit donc des lois. Et comme il nous dit le shir à l'exemple donc des gens, ce qu'on appelle Ahlul Ta'til, donc ceux qui ont renié les noms d'Allah Azzawajal, l'exemple d'Al-Jahmiya et d'autres encore. Et donc on a appelé cela Ilhadan, c'est-à-dire qu'ils ont dévié la vraie voie. Et cette voie-là qui est notre foi que l'on doit avoir, qui est obligatoire dans les noms d'Allah Azzawajal, et ce qui nous incombe comme foi, eux ils ont dévié de cette voie-là. Ils ont dévié de cette foi-là. Ils n'ont pas donc appliqué ce que nous on devait reconnaître et appliquer et avoir la foi de ce qui est propre à Allah Azzawajal comme ahkam, comme sifat. Donc cela, ce inkar, c'est-à-dire ce reniement, le fait de renier, c'est tout simplement, ça rentre dans l'ilhad. Et c'est donc ici la première catégorie. Ensuite, la deuxième catégorie, الثاني أن يجعلها دالة على صفة تشابه صفات المخلوقات تشابه صفات المخلوقات كما فعل أهل التشبيه وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. La deuxième catégorie, qui est la suivante, qui est le fait donc de désigner les attributs d'Allah Azzawajal, ou ce qu'indiquent les attributs d'Allah Azzawajal, les rendent similaires, touchables ou les rendent similaires aux attributs des makhlouqin. Comme a fait Ahlul Tashbih. Donc ici, ceux qui ont attesté les noms, mais qui les ont attestés de la mauvaise façon. C'est-à-dire, Mimbab al-Mushaba, le fait donc de rendre similaire, de faire ressembler un attribut d'Allah Azzawajal, un attribut d'une créature, comme le fait de dire que la main d'Allah, c'est comme la main de la créature, de l'homme, Riyadan Billah. Etc. Ça, c'est Ahlul Tashbih. Donc les gens qui sont entrés dans l'anthropomorphisme, Riyadan Billah, et ça, c'est également l'ilhad. Il nous dit le shir. Pourquoi ? Yana Tashbih a ma'na batil. La yumkinu an tadulla alayhi an nusus. C'est-à-dire que Tashbih, le fait de faire ressembler Allah à une créature, que ce soit dans ses attributs, c'est-à-dire ici dans ses attributs, n'aim. C'est quelque chose donc qui est bâtil, qui est complètement faux, et qui est en contradiction complète avec al-nusus, et les textes qui sont pris du Coran ou de la Sunna. Car il est impossible qu'Allah Azzawajal ait attesté ses attributs comme étant les mêmes que les attributs des créatures. C'est quelque chose qui est bâtil, quelque chose qui est complètement faux. Et donc le fait de les rendre comme cela, et d'avoir la croyance que ces noms indiquent cela, c'est-à-dire ici la similarité, c'est tout simplement, ou l'anthropomorphisme, c'est tout simplement donc avoir dévié de ce qui nous était obligatoire de croire et d'avoir la foi par rapport aux attributs d'Allah Azzawajal. Aux attributs d'Allah Azzawajal. Bien entendu, ici, les attributs qui rentrent ici dans les noms. Car les noms, ils indiquent l'attribut. Un nom d'Allah Azzawajal, il indique, comme on l'a vu, à chaque fois un attribut. Et donc, cet attribut qui est compris dans le nom d'Allah Azzawajal, le fait donc de le faire ressembler à ceux des créatures, on rentre ici bel et bien à l'ilhad, et qui revient donc à l'ilhad fi asma'illah, dans le nom d'Allah Azzawajal. الثالث, ensuite la troisième catégorie, أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل لها عما يجب فيها كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة نزه الله تعالى عنها. Donc il nous dit le shir ici, et qui est la troisième catégorie, c'est le fait, et ça on l'a déjà vu auparavant, le fait donc dans la règle qui nous rappelait que les noms d'Allah Azzawajal sont tous rassemblés sous ce terme tawqifiyya, donc qui s'arrête au nusus. Donc ce terme qu'on a déjà expliqué, on ne revient pas dessus, il faut l'assimiler, ce que ça veut dire tawqifiyya, plus particulièrement aussi dans les noms d'Allah Azzawajal. Donc tous ces noms là, on sait qu'ils sont tawqifiyya, donc on doit s'arrêter et on ne peut les prendre que en les puisant des sources authentiques, c'est-à-dire le Coran et la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, si on appelle Allah Azzawajal par un autre nom qui n'est pas pris dans le livre d'Allah Azzawajal, ou alors dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est également un mail, c'est-à-dire qu'on a dévié de ce que l'on devait appliquer pour ce qui est des noms d'Allah Azzawajal et la foi que l'on doit avoir, qu'ils sont tous donc sous cette règle-là. Et par là, il nous a donné des exemples, comme ils ont fait An-Nasara, comme ils ont fait les chrétiens, lorsqu'ils ont appelé Allah Azzawajal Al-Ab, le Père. C'est un nom qui est inexistant, Al-Ab. Il ne s'est jamais appelé lui-même par ce nom-là, Al-Ab. Donc on voit, c'est une invention, et c'est strictement interdit dans la religion, et on rentre ici dans l'ilhad fi asma'illah. De même pour ce qui est des philosophes, falasifa, lorsqu'ils l'ont appelé Al-Illatul Fa'ila, ils l'ont donc appelé par ce terme-là, Al-Illatul Fa'ila, c'est-à-dire la cause efficiente. Également un terme qui est complètement, un nom que l'on ne retrouvera jamais dans le Coran de la Sunna, qui est donc un nom inventé, qui est donc interdit de nommer Allah Azzawajal de par ce nom-là. Taïb. De même, comme certains disent Muhandis al-Kawn, c'est-à-dire Muhandis, on peut traduire par l'ingénieur, etc. Muhandis al-Kawn. Donc l'ingénieur de l'univers, c'est également, c'est appelé Allah Azzawajal par un nom dont il ne s'est pas appelé. Bien entendu, il rentre ici, peut-être on aura l'occasion d'y revenir, Inch'Allah. Il y a également ce qu'on appelle Bab al-Ikhbar, anillah Azzawajal, al-Ikhbar. Mais sans. On aura le temps d'y revenir, Inch'Allah, pour ce qui est de l'Ikhbar. À la kulli hal, le fait d'appeler Allah Azzawajal et de croire que ce nom, que le fait qu'on l'appelle par un nom et que ce nom-là fait partie des noms d'Allah Azzawajal, alors qu'Allah il ne s'est pas nommé par ce nom, ça rentre dans l'ilhad. Al-Rabi'a, la quatrième règle. Man yushtaqqa min asma'ihi asma'an il-asnam, kama fa'ala al-mushrikun fi ishtiqaq al-uzza min al-aziz, wa ishtiqaq al-lat min al-ilah ala ahad al-qawlain. فسموا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على وجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بما وميل بها عما يجب فيها. Donc ici, qui est la dernière catégorie, c'est tout simplement prendre un nom d'Allah Azza wa Jal et ensuite en tirer de ce nom-là un nom avec lequel on va nommer les autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah Azzawajal bil batil, par le faux. Donc c'est le fait de dériver à partir des noms d'Allah Azzawajal des noms pour des idoles, comme cela a été donc pratiqué par les associationnistes, par les polythéistes de Quraysh, comme ils ont fait avec Al-Uzza. Ils ont appelé donc une de leurs idoles Al-Uzza. Ce terme Al-Uzza, en réalité, ça vient du nom Al-Aziz, du nom d'Allah Azzawajal Al-Aziz. Donc ils ont pris ce nom Al-Aziz, ils ont dérivé de ce nom-là ce nom Al-Uzza, et ils ont ensuite nommé par ce nom leur idole. De même pour ce qu'ils ont fait pour Al-Lat, qui en réalité est un dérivé de Al-Ilah, donc la divinité, la véritable divinité, Al-Ilah. Et également, ils ont fait pour ce qui est de Manat, donc la troisième divinité qui est connue et qui est également citée dans le Coran, Manat, ils l'ont pris du nom d'Allah Azzawajal, Al-Mannan. Ils l'ont pris du nom d'Allah Azzawajal, Al-Mannan. Donc on voit qu'ils ont dérivé. Ça également, ça fait partie de la déviation, de ce qu'on appelle l'ilhad. Et comme il nous a dit le shirk, car ces noms, les noms d'Allah Azzawajal, Allah donc, il est exclusivement nommé par eux. Ils lui sont propres. Et ensuite cité tous les versets du Coran. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Donc لَهُ ici, l'âme, ici l'ikhtisas. C'est-à-dire que c'est spécial, ça appartient, ces noms-là, spécialement à Allah Azzawajal, exclusivement à Allah Azzawajal. هَذَا وَالْأَمَ الْإِخْتِصَاصِ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Donc c'est uniquement pour Allah Azzawajal. Et donc les versets qu'il nous a cités. Donc comme Allah Azzawajal, il a pour lui rendu exclusivement l'adoration, lui a rendu exclusivement donc ce qu'on appelle Uluhi al-Haq, c'est-à-dire le fait d'adorer en toute vérité la véritable divinité et qui est Allah Azzawajal. Tout cela donc le font par les noms d'Allah Azzawajal. Et donc c'est quelque chose qui est propre à Allah, qui est propre à Allah, qui revient uniquement à Allah. Et le fait donc de nommer autre, parce qu'Allah Azzawajal s'est nommé lui-même et qui est donc propre à lui, et qui sont donc ces noms-là, même que ce soit directement ou alors en tirant un dérivé de ces noms, comme l'ont fait le Mouchiroun, c'est donc ici un mail, c'est le fait d'avoir donc dévié de ce que il est obligatoire d'appliquer dans le cas, dans le droit des noms d'Allah Azzawajal. Ça donc c'était la quatrième catégorie. Donc on voit à travers ces quatre catégories les formes comprises Al-Ilhad, et on comprend exactement ce que veut dire Al-Ilhad fi Asma'illah, et qui était donc ici la septième règle, la dernière règle qui concerne les attributs, les noms d'Allah Azzawajal, Asma'ullah. Ensuite il nous dit pour finir le shir Al-Ilhad li jami' anwa'ihi muharram, c'est-à-dire que Al-Ilhad dans toutes ses formes, dans toutes ses catégories, c'est bien entendu strictement interdit. لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله parce qu'Allah عز وجل Allah subhanahu wa ta'ala هدد, c'est-à-dire qu'il a menacé الملحدين, donc ceux qui sont rentrés dans ceux qui ont pratiqué الإلحاد dans ces noms. C'est la preuve qui va nous être citée par le shir, c'est la suivante: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc Allah c'est sur surat Al-A'raf qui est le verset 180, et il nous dit le shir: وَمِنْهُ مَا يَكُنْ شِرْكًا أَوْ كُفْرًا حَسَبَ مَا تَقْتَضِي الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ. C'est-à-dire donc que parmi ces catégories de Al-Ilhad et ces actes donc qui concernent ce qui est interdit dans le cas, dans le droit des noms d'Allah Azzawajal, il y a ce qui revient au shirk, ce qui revient au kufr, suivant bien entendu ce que va impliquer les preuves juridiques, les preuves religieuses, comme nous le rappelle le shir. Donc le verset, invoquez-le par ses noms. Naam. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le terme ici, وَذَرُوا, يَمَعْنَا ابْتَعِدُوا عَنْهُمْ وَحَذَّرُوا مِنْهُمْ وَبُغْضُهُمْ. C'est-à-dire donc, qu'est-ce que veut dire ce terme وَذَرُوا الَّذِينَ, le verbe ici, وَذَرُوا. Comment expliquer les savants? ابْتَعِدُوا عَنْهُمْ, c'est-à-dire donc, écartez-vous de al-mulhidin, alladhina yulhidun, donc ceux qui ont dévié dans les noms d'Allah Azzawajal, ce qui concerne les noms d'Allah Azzawajal, qu'ils ont profané ces noms, subhanahu wa ta'ala. Donc écartez-vous d'eux, ta'adou anhum, hadzirou minhum, c'est-à-dire également mettez en garde contre eux et détestez-les. C'est ce que veut dire ce terme, ce que renferme ce terme. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc ils sont rétribués suivant ce qu'ils pratiquaient, suivant ce qu'ils faisaient comme acte. عياذا بالله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.